Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, aujourd'hui Caprice de lecture ne sera pas une émission comme les autres puisque nous allons découvrir l'univers des Tiny House, plus spécifiquement en Angleterre, en compagnie de Déborah Poré pour son deuxième roman « Même les petites maisons rêvent de grandes aventures ». Même les petites maisons rêvent de grandes aventures, donc qui sont auto-publiées, hein, je ne me trompe pas. C'est juste. Voilà. Se situe en Angleterre, dans le petit village de Green Hill. Alors, pourquoi avoir choisi ce coin du globe pour un petit peu nous dérouler les aventures de cette petite tiny house fort originale? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Donc, moi, je suis suisse, vous entendez peut-être oui, ça oui. avec mon accent, voilà. Et en Suisse, les lois pour garer des tiny houses, elles sont très restrictives. D'accord. Alors qu'en Angleterre, c'est possible. Et aussi, j'ai eu la chance de vivre en Angleterre quand j'avais 25 ans. D'accord. Et des fois, je pouvais aller avec ma cousine dans son cottage anglais au toit en chaume. Super. Et en fait, j'ai adoré, voilà, les paysages anglais, les jardins, l'humour british, ouais. la campagne anglaise. D'accord. Donc, voilà pourquoi ce choix. Ok. Alors, Flora, votre personnage principal, est en recherche d'elle-même depuis son licenciement, on va dire un petit peu compliqué, presque sauvage, parce que ça se passe dès les premières pages du roman. Et on a l'impression que ce licenciement, en fait, devient une chance pour elle. Parce que c'est là qu'elle se met à réfléchir un petit peu sur ses vraies envies, ses ambitions. Et justement, je trouve que le roman, donc Flora a une fille, hein, Flora est séparée, elle a une fille qui est une jeune adulte, on va dire, elle a une vingtaine d'années. Moi, j'ai eu l'impression que vous faisiez référence au cas de beaucoup de femmes de cet âge-là, dans leur statut professionnel, dans leur vie personnelle. Est-ce qu'il y a une part autobiographique de chez Flora, justement? Est-ce qu'il y a une partie de vous? Il y a beaucoup de personnes qui arrivent au milieu de leur vie, on va dire, ouais. Flora, elle a 45 ans, et puis qui se pose des questions de comment ils aimeraient vivre la deuxième partie. Ben, oui. Elle, ça a été imposé à elle. Oui. Je dirais que je me pose aussi ces questions, puis c'est aussi pour ça que je me consacre aussi dans mon temps libre à l'écriture, à oui. côté de mon travail en entreprise. Mais il n'y a pas vraiment, dans ce sens-là, un élément autobiographique. Okay. Parce que c'est vrai que ça fait quand même... Comment dire, ça fait écho à plein de choses. Je veux dire, elle se retrouve licenciée du but en blanc. Bon, pour des raisons un peu, comment dire, des raisons peut-être qui se valent, hein, mais on voit bien que dans le discours donc de sa, on va dire de sa directrice, bah voilà, elle fait déjà partie un peu des vétérans de l'entreprise. Elle sait pas s'adapter, tout ça. Bon, c'est un peu, en plus c'est mal choisi parce que c'est le jour de son anniversaire. Donc voilà, c'est pour ça que je me disais ça touche. Peut-être beaucoup de lectrices femmes qui sont aussi dans ce cas, justement, les enfants sont grands, sont partis ou sur le point de l'être. Donc, il y a aussi le syndrome du nid vide. Il y a aussi cette deuxième partie de vie où vous le dites justement, où on s'interroge beaucoup sur le couple, l'évolution du couple. Et moi, en vous lisant, je me disais, mais en fait, est-ce qu'elle a envie de retracer peut-être, alors on appelle ça un syndrome, hein, de la quarantaine, tout ça, mais voilà, ça m'interrogeait. Mais j'ai la réponse à ma question. Alors, justement, et j'en viens à ma troisième question, vous touchez le lecteur, donc, et au cœur et au corps, dans votre façon d'écrire, c'est-à-dire que la description des lieux, bah, on y est. Les sentiments, on les éprouve. Les changements aussi, c'est-à-dire qu'elle va vivre en tiny house. Alors, tout le monde se moque un peu d'elle en disant « Non, mais attends, tu quittes une maison super grande. Oui. Tu dois vraiment habiter là. Toi qui as toujours besoin d'accumuler 8000 trucs. » Elle a sa meilleure copine qui l'aide à faire du tri, qui lui dit « Mais bon, maintenant, tu vas vivre dans 12 mètres carrés. Il faut que tu apprennes à jeter ou à te débarrasser, au moins. » Et ben, justement... page 302, donc on est plutôt sur la fin du roman. Je vais citer une partie du livre qui m'a beaucoup aimée et qui résume vraiment beaucoup ou tout ce que vous avez voulu nous transmettre. La vie dans ma petite maison est une grande aventure du quotidien. Je rêvais de parcourir le monde, mais c'est un voyage immobile qui m'a mené vers moi. Et moi, je trouve cette citation absolument fabuleuse. Parce qu'elle retranscrit, il n'y a pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour être heureux. Quelquefois, le bonheur, il faut juste aller le chercher. Je le trouve super chouette. Quels sont vos secrets d'écriture pour arriver à toucher autant votre lecteur? Est-ce que vous travaillez plusieurs fois votre texte? Est-ce que c'est quelque chose qui vous vient de manière naturelle? Comment ça se passe? Ça me fait déjà, ça me touche beaucoup que vous disiez ça, parce que quand on dit qu'on aime mon livre, qu'on aime mes textes, j'ai toujours du mal à le croire. C'est pourtant vrai. C'est un vrai beau roman feel good avec qui est vraiment bien implanté dans notre époque, avec nos problématiques d'époque, hein, qu'elles soient sociales, culturelles, professionnelles. On s'y retrouve de toute façon, quel que soit le lecteur, il s'y retrouve. Vous choisissez le thème des Tiny House. Alors en plus, moi, je suis une accro de tout ça parce que je suis on est des vrais road trippers avec ma famille, donc on est vraiment on aime beaucoup beaucoup ce genre de perspective. Génial, ah ouais, c'est génial. Et puis je trouve que ouais, vraiment c'est écrit, on se sent proche du personnage, mais du coup en même temps dans votre façon d'écrire, on se sent proche de vous. C'est pour ça que je me dis, mais comment elle fait pour écrire? Est-ce que ça vient en une fois, vous retravaillez le texte, ça se passe comment? Oui, alors je retravaille vraiment beaucoup. Ah. Donc j'écris un premier, la version V1, je l'écris, on va dire, relativement rapidement, mais elle est vraiment à un état de brouillon. Et ensuite, je travaille comme par couche, en fait. Ok. Je retravaille une fois tout le roman et encore une deuxième fois, et après peut-être les dialogues, et je le relis. Donc c'est vraiment le travail, il est dans la réécriture plus que dans l'écriture. Ok, parce que vous avez déjà votre idée de départ, ou un peu la trame, et en fait vous travaillez dans la précision, enfin c'est un vrai travail de dentelle quelque part. Vous allez vraiment au bout du truc pour faire passer toutes ces émotions. Exactement. Ouais. Et puis, parce que le premier jet, en fait, c'est comme si on peut s'imaginer, je vois l'histoire, comme si on voyait un film à la télé. Et d'accord. En fait, on est juste là pour retranscrire le film. Donc, je le retranscris assez rapidement parce que je le vois devant moi. D'accord. Mais ensuite, pour vraiment aller dans les détails aussi, les descriptions des lieux, tout ça, et ben voilà, ça demande après beaucoup plus de temps. Ah oui. Entre le gris et le bleu, je veux voir la mer en hiver, avoir du sel dans les cheveux, du sable sous les paupières. Emmène-moi où tu veux, je n'en ferai pas de manière, tant que tout est gris et bleu, si profond que l'on s'y perd. S'il y a du bruit entre nos deux, qu'est-ce qu'on peut y faire entre le gris et le bleu? Lequel tu préfères? S'il y a du bruit entre nous deux, qu'est-ce qu'on peut y faire entre le gris et le bleu? Dis lequel tu préfères. Entre le gris et le bleu, les idées se promènent. Si le soir est orageux, je le teins de méthylène. Histoire de voir qui de nous deux se fera le plus de peine. Histoire de voir si l'on s'en veut toute la semaine. S'il y a du bruit entre nous deux, qu'est-ce qu'on peut y faire entre le gris et le bleu? Dis lequel tu préfères. S'il y a du bruit entre nous deux, qu'est-ce qu'on peut y faire entre le gris et le bleu? Dis lequel tu préfères. Entre le gris et le bleu, sans négocier ses colères. Si d'autres jouent avec le feu, moi c'est le froid que je préfère. Avant de passer aux aveux, pourrait-on un peu se taire? Choisir pour l'un, pour les deux, gris bleu ou le contraire. S'il y a du bruit entre nous deux, qu'est-ce qu'on peut y faire entre le gris et le bleu? Dis lequel tu préfères. S'il y a du bruit entre nous deux, qu'est-ce qu'on peut y faire entre le gris et le bleu, dis lequel tu préfères. Entre le gris et le bleu, dis lequel tu préfères. Entre le gris et le bleu, lequel tu préfères ? Le groupe Carousel est le titre Gris Bleu, un choix musical de l'invité de Sarah. Aujourd'hui, Déborah Porret, pour son livre « Même les petites maisons rêvent de grandes aventures ». Caprice de lecture sur Fadjet. Vous disiez tout à l'heure que vous vous mettez à l'écriture donc après votre journée de travail. Vous écrivez plutôt du coup le soir, le matin, parce qu'on aime bien aussi un peu savoir comment, quel est un peu le rythme de vie des auteurs. Alors vous, vous avez une double, peut-être voire même une triple vie si vous avez, si vous êtes en famille par exemple. Comment, c'est quoi votre moment préféré ou le plus judicieux, on va dire, dans une journée de 24 heures pour écrire ? Mais c'est ça, c'est donc je travaille au 4/5e, je crois qu'on dit en France. Ouais. Donc ça veut dire que j'ai toujours mes vendredis, donc j'ai toujours 5 heures le vendredi où mes enfants sont gardés. Ouais. Et ensuite, j'écris parfois tôt le matin. Okay. Et des fois aussi le soir et parfois le week-end. Mais j'aime dire qu'en fait, j'ai tellement peu de temps et j'ai tellement envie d'écrire et je suis tellement motivée que c'est dès que j'ai 5 minutes. Ah, donc en fait, vous vous adaptez à votre emploi du temps. Vous n'avez pas le choix ? J'ai pas le choix, et peut-être que c'est aussi une chance, parce que comme ça, en tout cas, je peux pas procrastiner. Ah oui, c'est vrai, mais en même temps, je pense pas que vous soyez le genre à procrastiner quand on voit comment vous écrivez. J'ai pas, non, c'est pas un mot qui fait partie de votre vocabulaire. Je crois pas. Alors, on va en venir à la quatrième question. Vous avez un autre roman à votre actif qui s'appelle Une turbulence dans la valise, que d'ailleurs je vais lire bientôt parce que j'ai tellement aimé celui-là qui est en fait le deuxième que je vais aller lire le premier. Oh, merci beaucoup. Et le thème de ce roman est également, alors j'ai regardé un petit peu, c'est aussi une remise en question de choix ou de points que l'on fait dans sa vie. Est-ce que c'est un thème qui vous tient à cœur, justement, ces histoires de « ok, je me pose » ou « j'ai un événement dans ma vie extrêmement marquant qui m'oblige peut-être à revoir ma façon de penser, ma façon de vivre » Et puis surtout, est-ce que... parce que ça finit toujours par quelque chose d'extrêmement positif, moi ça j'aime beaucoup, il y a toujours une petite leçon de morale à en tirer. Est-ce que c'est votre façon de faire plaisir à votre lecteur en vous faisant plaisir à vous ? Les happy ends, on va dire. Les happy ends. Mais c'est vrai que maintenant que vous dites oui, je pense que c'est un thème, le fait de dans une vie qu'il y ait des événements qu'on s'adapte, qu'on grandisse, qu'on devienne de plus en plus soi-même. En fait. Ça, c'est le thème. Et puis, comment venir soi-même, parce que c'est tellement difficile. Oui. Parfois, parce que souvent, on prend des mauvais, c'est jamais des mauvais chemins, mais c'est des détours. Oui, et puis on est tellement compressé, c'est peut-être pas le bon terme, par des espèces de diktats sociaux, économiques ou même comportementaux à un moment donné qu'on finit par s'oublier soi-même. Tout à fait, tellement d'attentes extérieures ou aussi des attentes qu'on se met à soi-même. Oui, tout à fait. Et on s'oublie. Donc, mes histoires, ça sera toujours ce cheminement vers soi. Ouais, et c'est pour ça que c'est chouette, parce que c'est un vrai... Déjà, c'est un vrai souffle d'oxygène, c'est une bouffée d'oxygène, donc ça, c'est super. Et puis, c'est aussi un message d'espoir en se disant, mais pourquoi je m'embête avec ça et pourquoi... Enfin, moi, j'en ai tiré une jolie leçon. C'est pas une leçon, c'est une jolie leçon en me disant, chaque jour compte. C'est ça qui est très important, en fait. C'est ça qu'il faut retenir. Chaque jour compte et profitons-en, quoi. C'est surtout ça. Génial. Et puis, c'est vrai que le happy end, ces deux premiers romans, c'est vraiment du pur feel good, comme vous dites aussi, j'aborde aussi des thèmes plus sérieux, mais c'est du feel good, c'est ces romans qui font du bien. Oui. Et puis c'est vrai que le happy end, il appartient à ces romans un petit peu, même si c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi, ou la crème de la chantilly, c'est toujours plus sympa quand ça finit bien. Moi, c'est ce que je me dis. Moi aussi, je préfère les livres qui finissent bien. Oui, quand même. Quand je lis. Oui. C'est plus sympa. Thank you. The Cranberries avec Dreams sur Fadjet, deuxième choix musical de Déborah Porret, invitée de Sarah aujourd'hui, que nous retrouvons tout de suite pour la troisième et dernière partie de l'émission Caprice de lecture. Caprice de lecture sur Fadjet. Alors justement, en parlant d'écriture et de lecture, quels sont vos projets pour l'année 2023? Est-ce que vous avez le temps de commencer un troisième roman? Est-ce que vous avez d'autres, je sais pas, peut-être d'autres attentes artistiques? Est-ce que vous pouvez nous délivrer un ou deux petits projets qui seraient peut-être en cours? Oui, alors je me suis mise à l'écriture du roman 3. Super. Voilà. Et ben justement, j'en suis au processus où j'ai terminé la V1, la première version. D'accord. Et maintenant, je commence le travail de réécriture qui va me prendre, je pense, quelques mois. Ouais. Ah, oui. Et ça va être un roman, c'est un petit peu différent. Ça va être un roman choral avec trois générations de femmes, ou plutôt une petite fille, une jeune femme et une femme plus âgée, toujours 20 ans d'écart. D'accord. Et, en fait, elles vont se retrouver pendant une semaine de vacances en juillet sur une île. Et, d'accord. Et là, c'est cette rencontre qui va ben, changer la trajectoire, on va dire, de leur vie. Mais en fait, c'est un roman. Je dois encore réfléchir comment en parler sans spoiler et en donnant envie. Parce que bon, bah, moi, j'ai déjà envie. Parce que s'il y a vraiment un type de roman que j'aime bien aussi, c'est le roman choral, où on oui. peut se mettre d'un chapitre à l'autre, en fait, on peut se mettre dans la peau du personnage qui parle ou qui éprouve des sentiments. Oui. Et ça, c'est chouette aussi. J'aime bien. C'est une autre expérience de lecture en tant que lecteur. Hein. C'est vraiment une autre expérience de lecture qui est assez prégnante aussi. Quand c'est bien écrit, c'est... Ouais, c'est très très bien, c'est super chouette. J'ai utilisé le jeu pour la première fois, donc je parle à la première personne. D'accord, ok, donc moi j'ai hâte de découvrir, et puis peut-être qu'on pourra en reparler sur les ondes de Fadjet à sa sortie. Alors, très volontiers. Voilà, Déborah, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de ce deuxième roman qui s'appelle « Même les petites maisons rêvent de grandes aventures » où, effectivement, il n'est pas nécessaire de partir au bout du monde pour être heureux ni pour se construire soi-même. Je crois que je l'ai bien résumé. Excellent. Bon, super, merci beaucoup Déborah. Je vous souhaite bonne continuation pour l'écriture de ce troisième roman et à très vite sur Fadjet. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.